C'était un petit lapin qui courait dans ma tête. Il aimait pas ce refrain, voulait changer de planète. Il cherchait des carottes et des lapines à niquer. Il arrêtait pas de courir, en gros il faisait chier mal. Et j'en ai marre de toi et de ton cerveau. Et même tu passes pour moi, t'es rien qu'un petit salaud. Putain j'ai faim et je me sens trop seul. Pas la tête, tu peux continuer ta branlette. J'ai pas te ramener une lapine, en plus tu veux de la bibine. Je te rappelle qu'en France l'alcool est peut-être autorisé, mais avant de te saouler la gueule, je veux voir tes papiers. Est-ce que tu peux te fumer, c'est pas dans ce pays, il faut aller. Non, non, ici non, c'est pas l'état. Renvoyé dans l'espace, je me sentais mieux après, j'avais plus de place pour remplir ma tête avec des trucs intelligents, pas des tripes aussi débiles et qui durent pas longtemps. Et toi aussi, si t'as un lapin dans ta tête, envoie le buffet sur une autre planète avant qu'il bouffe le cerveau, détruit la santé. Sérieux, mon pote. Te laisse pas emmerder. Oh non. Te laisse pas emmerder.